de bonheur de l'Orient. Oh my God, Holy Spirit, qui guérira toutes les blessures de mon cœur. Oh my God, Holy Spirit, mon cœur est à bout, je ne demande que ta présence, Esprit de Dieu. Allons tôt le matin, pendant que la lueur grandit, c'est l'espoir qui renaît et qui fait briller le soleil. Ses bontés sont nouvelles chaque matin pour toi. Alors ne perds pas espoir, car il est tout près de toi, prêt à t'écouter, à t'exaucer, à écouter ton cœur qui bat pour lui. Oh my God, Holy Spirit, apporte le vent de bonheur de l'Orient. Oh my God, Holy Spirit, qui guérira toutes les blessures de mon cœur. Oh my God, Holy Spirit, mon cœur est à bout, je ne demande que ta présence, Esprit de Dieu. Oh, oh, oh, yeah. Alors tout le matin, pendant que la lueur grandit, c'est l'espoir qui renaît et qui fait briller le soleil. Ses bontés sont nouvelles chaque matin pour toi. Alors ne perds pas espoir, car il est tout près de toi, prêt à t'écouter, à t'exaucer, à écouter ton cœur qui bat pour lui. Oh my God, Holy Spirit, apporte le vent de bonheur de l'Orient. Oh my God, Holy Spirit, guérira toutes les blessures de mon cœur. Combien de fois tu es bon dans ma vie? Combien de fois, comment? Je n'ai pas assez de paroles pour qualifier ce que tu as fait pour moi. Et tu es mon roi. Tu es mon Dieu. Laisse-moi encore te célébrer. Tu es mon roi. Tu es mon Dieu. Je ne veux voir que toi seul. Tu es mon roi. Tu es mon Dieu, je ne veux voir que toi Seigneur. Tu es mon roi, tu es mon Dieu, je ne veux voir que toi seul. Tu es mon roi, tu es mon Dieu, je ne veux, tu es mon Dieu, je ne veux voir que toi seul. Tu es mon roi, tu es mon Dieu, je ne veux voir que me choisiras. Tu es mon roi, tu es mon Dieu. Je ne veux voir que toi seul. Tu es mon roi, tu es mon Dieu. Je ne veux voir que toi seul. Jesus, hallelujah, yeah. Thank you, Jesus. Que nous avons, que tu es notre Dieu et nous sommes le peuple de ton pâturage. Et ce matin, nous te disons merci. Et nous sommes là. Seigneur, parle-nous, parle à nos cœurs ce matin et donne-nous cette parole puissante, cette parole qui est la lumière, qui nous donne la voix, qui nous montre la voix et Seigneur, qui nous donne la sagesse. Seigneur, merci. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie pour chaque personne ici ce matin que tu fais grâce et tu nous bénisses par ta parole au nom de Jésus et tout le monde dise Amen. Come let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Prosternons-nous devant le roi, fléchissons le genou devant ce Père, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple sans pâturage, le troupeau que sa main conduit, le troupeau que sa main conduit. Prosternons-nous devant le roi. Fléchissons le genou devant le Père. Prosternons-nous devant le roi. Il est le roi, il est le roi. Nous sommes le troupeau. remercie. Merci, tu es Dieu. Et nous sommes le troupeau. Nous sommes tes brebis. Nous sommes tes enfants. Nous sommes ton peuple, Seigneur. Ce matin, bénis-nous. Au nom de Jésus, et tout le monde dise Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Est-ce que vous êtes déjà béni? Et bonjour à tout le monde. Si tu es là pour la première fois, est-ce que tu me fais un signe de main? C'est ta première fois ici. OK. Soyez les bienvenus. Nous sommes contents de voir. Est-ce qu'on peut acclamer pour... Alléluia. Donc, ce matin, nous allons continuer. Alléluia. Il y en a quelques minutes. Alléluia. Mais on va finir dans quelques minutes. OK. Alléluia. Pourquoi servir Dieu est une grande chose? Alléluia. C'est le titre? Le titre, c'est quoi? Quelques raisons pour servir le Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Cette année, c'est une année de service à Dieu. C'est ça? Yeah. Servir notre Dieu. Alléluia. Et donc, nous allons cette année tous servir Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Comprenez? Yeah. Et c'est bon. C'est bon. Lorsque tu regardes toutes les personnes, d'accord, qui sont parties de cette terre, que tu ne vois plus. Peut-être c'est un ami, peut-être c'est une sœur, ou bien un frère, ou bien un père, ou bien une mère, ou bien un oncle, ou bien un pasteur. Alléluia. Vous allez réaliser que ces personnes, n'ont pas quitté la terre avec quelque chose, ce qu'ils cherchaient sur cette terre. Ils ne sont pas allés avec une voiture. Ils ne sont pas allés avec un diplôme. Ils ne sont pas allés avec une paire de chaussures. Ils ne sont pas allés avec même leurs habits. Hein? On va te faire un nouveau habit. Yeah. Pas les habits que tu as dépensé beaucoup d'argent à acheter. On va t'habiller avec. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Cela nous donne un message. Et puis l'endroit où on t'enterre. Parfois lorsque je vois les gens se battre pour les terrains qui ne leur appartiennent pas, je m'étonne. Hein? Un petit parcelle qu'on te donne. Tu réalises que tout ce que tu as ne va pas avec toi. Donc pourquoi nous sommes ici? C'est la question. Pourquoi nous sommes ici? Alléluia. C'est pour servir Dieu. Yeah. Ce que tu fais pour Dieu, c'est ça que tu vas amener au ciel. On ne voit pas, mais au ciel, tu vas voir. Yeah. Ne sois pas étonné parce que j'ai dit. Ne sois pas étonné lorsque tu vas au ciel. Hein? Et fais tout et tout pour ne pas aller dans l'enfer, c'est ça. Parce que tu seras plus étonné. Alléluia. Pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi? Regarde ce que Dieu m'a donné. Regarde les talents. Regarde ce que j'ai et j'ai pas utilisé pour le Seigneur. J'ai utilisé pour autre chose. C'est une réalité que les gens ne veulent pas accepter. Hein? Peu importe si tu acceptes ou bien acceptes pas, c'est vrai. C'est la réalité. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Tu vas pas mener le mariage au ciel. Tu vas pas mener le maquillage au ciel. Les cheveux. Les quoi? L'évêque a dit ces choses-là sont des jouets. Yeah. Ce que vous êtes en train de vous battre pour avoir sont des jouets. Yeah. Donc, vaut mieux être sage maintenant et servir Dieu. Yeah, servir Dieu. Tu donnes un Ghana City qui sauve une âme. Tu vas voir la couronne que tu vas recevoir à cause de ce Ghana City que tu as donné pour sauver une âme. Tu sais sacrifier pour évangéliser. Tu vas voir la couronne, le prix que tu vas recevoir parce que tu sais sacrifier pour sauver une âme. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Dans le monde, les choses qui sont importantes sont à l'envers. Yeah, les choses spirituelles sont à l'envers. Plutôt, les choses qui ne sont pas, sont rien, qu'on va laisser sur cette terre, deviennent plus importantes pour nous. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est ça. Tout est à l'envers. Tout est à l'envers. Tout est à l'envers. Alléluia. Amen. Donc, cette année, c'est pour servir Dieu. Fais quelque chose pour Dieu. Il n'y a pas le temps. Yeah, le Seigneur peut venir maintenant. Est-ce que tu es prêt? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Yeah. Alléluia. Donc, pourquoi nous devons servir le Seigneur? C'est le titre du message. Pourquoi nous devons servir? Pourquoi c'est bon? Pourquoi c'est une grande chose pour servir le Seigneur? Alléluia. On a commencé en disant que c'est quoi? Il y a une différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne servent pas le Seigneur. Alléluia. Il y a une grande différence. Alléluia. Lorsque tu vois un chrétien, ces jours-ci, on ne voit pas la différence. Mais la semaine passée, je veux dire que cette année, laissons les autres, ou bien les hommes voir la différence entre toi et celui qui ne sert pas le Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. L'année passée, peut-être, on n'a pas fait. On ne voit pas la différence. Mais cette année, laissons voir la différence. Est-ce que c'est une bonne idée? Yeah. Voir la différence. Parce qu'il y aura une différence. Malachie, chapitre 3, verset 18. Ok. Malachie, verset, chapitre 3, Malachie, chapitre 3, verset 18 ou bien 19? 18. Ok? Malachie. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Ok? Alors, à nouveau, vous verrez qu'il y a une différence entre les justes et les méchants et entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alléluia. On verra une différence. Laissons voir une différence. Il y a une différence. Alléluia. Il y a une différence en toi. Bien, il doit y avoir une différence normalement en toi et ton ami qui ne sert pas le Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Et je vais vous dire, cette année, l'une des choses que vous devez appliquer, hein, l'une des choses que vous devez appliquer, c'est ce verset qui dit, les mauvaises compagnies corrompent des bonnes mœurs. Commencez dès janvier d'arrêter toute relation avec les gens qui ne sont pas, qui ne croient pas ce que tu crois. Ton ami t'influence plus que le pasteur. Depuis dimanche, est-ce que tu m'as vu? Est-ce que je t'ai parlé? Après quelques deux, trois personnes avec qui j'ai parlé. Les autres, c'est ton ami. Lorsqu'on quitte ici, c'est ton ami qui te parle. Donc, ton ami t'influence plus que toute autre personne. Même ton papa ne t'influence pas beaucoup. Non plus. Parce que tu es toujours avec ton ami. Et donc, si ton ami ne partage pas les mêmes choses avec toi, n'a pas les mêmes pensées, la manière de penser, parce que nous sommes guidés par la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, si ton ami, celui qui est proche de toi, n'a pas les mêmes pensées, ne crois pas la même chose, ne fais pas les mêmes choses avec toi, s'il te plaît, tu ne seras pas aidé. L'une des choses qui détermine ton succès dans cette vie, c'est la personne qui est à côté de toi. Yeah. Si tu vas réussir, si tu vas survivre comme chrétien, si tu vas survivre, ça va dépendre des personnes qui sont autour de toi. Il dit, non, pasteur, je sais, mais c'est pas facile. Qui est autour de toi? Qui est à côté de toi? Tu t'as posé la question? Yeah. Lorsque tu dis, oh, pasteur, je sais, mais servir Dieu, c'est pas facile. Parfois, je sais, puis je suis découragé. Ah, c'est comme je n'arrive pas à bien faire. Pasteur, qu'est-ce que je dois faire? La première chose que je dis, qu'est-ce qui est autour de toi? Si la personne autour de toi n'a pas le zèle comme tu as, tu ne peux pas. Et tu vas te faire ça difficile. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Même les chrétiens, il y a une différence entre les chrétiens. Il y a une différence. Alléluia. Donc, trouve quelqu'un qui est zélé, qui est sérieux avec Dieu, et tu seras sérieux. Montre-moi ton ami, et je vais te montrer qui tu es, ou bien quel type de chrétien tu es. Yeah. Quel type de chrétien tu es? Donc, cette année, si tu veux servir le Seigneur, la première chose qui est à côté de toi, hein, qui est autour de toi, bien qui sont, parce que parfois c'est pas une personne. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est compris? Vous êtes avec moi? Ok. Alléluia. Donc il doit avoir une différence entre toi et ton ami, entre toi et ton voisin. On ne dit pas que ton voisin est mauvais. Non. On ne dit pas. Mais le voisin ne peut pas, qui ne sert pas Dieu comme tu sers Dieu, ne peut pas t'aider. Alléluia. À servir Dieu. Est-ce que c'est bon? Donc, il y aura une grande différence. Maintenant, les chrétiens, il n'y a pas de grande différence. Lorsqu'on vous trouve à la station de trop bien taxi, et tout le monde est là, on ne voit pas la différence. Va pas la différence. Il faut vous dire que le péché a grandi. Le péché augmente. Le péché mature. Il y a un verbe maturer. Le péché mature. Yeah. Le péché mature. Alléluia. Yeah. Lorsqu'on était petit, on était enfant, on grandissait. Lorsqu'on parle de, en anglais, on dit quelque chose, blue film. Vous vous rappelez blue film? Vous connaissez blue film? Qui a entendu parler de blue film? Oh, vous êtes des enfants. Ou bien vous venez d'arriver au Ghana. Yeah! Dans les 90, bien 80, 90. Ah, vous n'étiez pas né? Ah! Quand on parle blue film, blue film, hein, blue film. On est, ah, qu'est-ce qui blue film? C'est quelque part, on va aller regarder blue film. Mais maintenant, sur les téléphones, on regarde le blue film. Le blue film est dans ta poche. Blue film, c'est quoi? C'est pornographie. Yeah. Blue film. Yeah. Avant, c'est de prendre une voiture pour aller regarder ça quelque part. Yeah, avant. Maintenant, ça abonde. Tu as ça sur ton téléphone, sur ton ordinateur. Tu ne dois pas te déplacer dans ta chambre. Donc, est-ce que le péché ne mature pas? Avant, les femmes ne portaient pas de pantalon. Yeah. Lorsqu'on te voit porter pantalon, tu as rétrogradé, chrétienne. Rétrogradé. Yeah. Tu as rétrogradé. Qui savait ça? Yeah. Tu as rétrogradé. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Mais maintenant, il y a la liberté, on a permis. parce que parfois c'est un peu convenient. Hein? En français, c'est comment? Yeah. C'est plus facile de se bouger un peu facilement à ne pas avec les jupons, on fait comme ça et puis ça ne, on n'arrive pas. Ouais, donc c'est convenient en anglais. On dit convenient. Et donc les gens font des bêtises avec ça, à cause de cette liberté. Yeah. Le péché abonde. Yeah. Le péché abonde. Avant, lorsque tu vois une fille porter jupe ici, ça c'est la prostitution. On te voit en ville, on voit que tu es prostituée, c'est ça. Avant, 80-90, prostituée. Mais maintenant on voit ça à l'église, ou bien? Mais quelle est la différence? Quelle est la différence? Le péché mature. Le péché mature. Le péché mature. Le péché abonde. Alléluia. Et on doit voir la différence entre le chrétien et le non-chrétien. Hein? Une fille chrétienne doit être comme ça. Hein? Je vois même pas. Hein? Yeah. Tu dois pas voir. Maintenant, on ouvre comme ça et puis on marche à l'église. On n'a pas honte. Yeah. Yeah. Avant, lorsqu'on voit les trucs là, les quoi, on l'appelle comment? Yeah. On voit, c'est Delilah, hein. Mais on a permis. Mais les gens font des bêtises avec ça. N'importe quoi. Il doit y avoir une différence en toi. Lorsqu'on te voit, on voit, toi, tu es chrétien, mais tu es pas, on ne sait pas si tu es chrétien ou tu es pas. Il doit y avoir une différence. Ça doit être modéré. Yeah. Yeah. C'est pourquoi je dis chorale. Si tu ne portes pas jupe, ne monte pas ici. Ne monte pas. Mais lorsque tu viens à l'église, tu sais que tu ne dois pas monter. Ce n'est pas quelqu'un qui doit te dire monte, ou bien tu ne montes pas. Est-ce que vous comprenez? Le péché abonde maintenant. Maintenant. Maintenant. Avant, la chrétienne, les cheveux modérés. Modérés, bien modérés, bien faits. Mais maintenant, n'importe quoi. Si on te voit, toi, un fils de quelqu'un qui n'est pas chrétien, on ne sait pas si, qui est chrétien, qui n'est pas chrétien, on ne sait pas. Modéré. Alléluia. Est-ce que je dis quelque chose de mauvais? Le péché abonde. Le péché abonde. Yeah. À ces temps, ils ne sont pas de beloved. Hey, 80-90, beloved, on ne tient pas les mains. Oh. Beloved, vous marchez ensemble et vous avez derrière les mains. Bien, vous embrassez. Non, on ne fait pas. Oh. On ne faisait pas. Mais maintenant, beloved, on s'allonge ensemble. C'est vrai ou bien c'est faux? Bien, c'est moi qui est le grand-parent. Je suis un grand-papa, donc j'amène l'antiquité ici. L'antiquité. Est-ce que c'est l'antiquité? Le non-chrétien, les deux s'allongent sur le lit. Ils ne sont pas mariés. Le chrétien, les deux aussi s'allongent sur le lit. Donc, où est la différence? Hein? Où est la différence? Dans le passé, on dit disco, disco. Vous connaissez disco? Yeah. Discothèque. Discothèque. Lorsqu'on voit chrétien à la porte de disco là, il a abominé, c'est ça. C'est ça même. C'est ça même. Abomination. Retrogarder. Ces jours-là, on te renvoie même de l'église. Yeah. Même il y a les églises qui font ça maintenant. Yeah. Te renvoie. Mais maintenant, on a la liberté. On dit la liberté dans le Saint-Esprit. Hein? Il y a la liberté. Non. La joie, non, c'est un verso. La joie et la liberté dans le Saint-Esprit. Donc, pour le charismatique, on est libre. Mais on doit être, on doit être contrôlé par la parole de Dieu. Yeah, on doit être contrôlé par la parole de Dieu. Contrôlé par le Saint-Esprit. Alléluia, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Mais maintenant, les chrétiens sont dans les boîtes de nuit avec tout le monde, sont en train de danser, boire, faire des trucs. Hey, tu es chrétien. Tu te lèves le matin. Oh, je suis de Lighthouse. Oh, je suis de Assemblée de Dieu. Oh, je suis de Pentecôte. Oh, Baptiste. Oh, catholique. Donc, quelle est la différence entre catholique, charismatique et puis celui qui n'est pas, qui est athée ou bien qui ne croit pas en Dieu? Quelle est la différence? Vous êtes tous dans le même endroit, dans le même endroit. Où est la différence? Alléluia. C'est bon? On est libre. Yeah. Dieu nous donne la liberté. Dieu nous donne la responsabilité de faire nos propres choix. Mais ça n'enlève pas la parole de Dieu. Yeah. Nous devons être contrôlés par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Alors que nous sommes en train la manière dont nous parlons, nous nous comportons, nous nous habillons, les endroits où nous fréquentons, doit être contrôlé par la parole de Dieu. C'est pourquoi on a 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 22, bien 23. 1 Thessaloniciens, bien 25. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. On peut lire ensemble. On peut lire ensemble. 1 Thessaloniciens. Chapitre 5, verset 20. C'est quel verset? Les amis, il y a un jour, il y a quelques semaines, il y a un frère qui est venu me voir. Seigneur, il dit, pasteur, j'ai peur. J'ai peur. Parce qu'il a dit, il y a des amis qui ont appelé, il est allé, et puis ils sont en train de fumer, il a dit, essaie, c'est bon, essaie. Et puis lui aussi, là, il sait un peu. Après, il a commencé à dire, Obama, c'est mon oncle. La femme d'Obama, c'est ma tante. Hey, ami, je vous ai dit cette année, ami, les amis là. Ils ont dit, Philippe, ça ne fait rien, tu seras fort, mais c'est bien, tu vas te sentir bien. Oh, essaie un peu. Il a juste un peu là. Il est venu me voir à l'église, il m'a dit, pasteur, j'ai peur. Ça va maintenant, mais j'ai bien peur que ça va revenir. J'ai peur que ça va revenir, pasteur. J'ai dit, va voir un docteur. Pour t'examiner. Hé! Chrétien, vous fumez. Vous buvez. Faites n'importe quoi. Quelle est la différence? Quelle est la différence? On verra la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? La différence doit avoir une différence. Servir Dieu doit avoir une différence. Une différence. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Ça, c'est la semaine passée. Je n'ai même pas commencé. Wow. Deuxième chose, quoi? Deuxième raison. À cause de l'abondance des choses. À cause de l'abondance. Yeah. Lorsque tu sers Dieu, l'abondance, tu auras des choses. Dieu va te donner. Ce que tu es en train de rechercher là, il va te donner. Si c'est la femme, il va te donner. Si c'est l'homme, si c'est l'argent. Si c'est l'argent, alléluia. Si c'est le diplôme, tu vas avoir le diplôme. Tu vas pas échouer. Yeah, tu vas pas échouer. Est-ce que vous comprenez? Yeah, tu auras des habits. Tu auras une maison. Tu auras la prospérité. Parfois, je m'étonne. Vous êtes étudiant, vous êtes en train de courir après la prospérité. Étudiant. Hey, l'étudiant, sa vision, c'est le diplôme, pas la prospérité. Ou bien? Ah, ok. Mais il y a certaines maisons soit prospérité. Hein? L'abondance, tu auras. Tu auras. Moi, je dis, à la gloire de Dieu, mon premier salaire, c'est moins que ma dîme aujourd'hui. Salaire que j'avais avant. C'est pas grand, mais je vois la différence. Ah, qu'est-ce que David a dit? J'ai servi le Seigneur depuis là. Il ne m'a pas laissé. Hein? Mendiant, demander des choses au bord de la route. Le Seigneur va te donner. Yeah. Yeah. L'évêque a dit quelque chose. L'une des choses les plus faciles, bien, l'une des bénédictions les plus faciles que le Seigneur nous donne, c'est la prospérité, c'est l'argent. Plus facile. Yeah. Le plus facile que le Seigneur peut faire pour toi, c'est l'argent. Te donner de l'argent. Plus facile pour lui. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi ne pas le servir? Pourquoi? Alléluia. À cause de l'abondance. L'abondance. L'abondance. Alléluia. Ok? Je termine avec ça. Alléluia. Yeah. Aujourd'hui, je voulais faire quelque chose de spécial. Alléluia. Il y a quelque chose de spécial. Donc, on va continuer la semaine prochaine. Amen. Je vais donner l'opportunité à une, deux personnes de donner leur témoignage. Yeah. Je vais continuer la semaine prochaine. Alléluia. Mais on va terminer d'abord. Alléluia. Mais est-ce que vous êtes bénis ce matin? Yeah. Moi-même, je suis béni. Alléluia. Donc, fermons nos yeux. Levez-vous. On va faire ça à la fin. Levez-vous. Alléluia. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Alors, si tu es là, tu ne connais pas le Seigneur. Fermez les yeux tous. Fermez les yeux. Si tu es là, tu ne connais pas le Seigneur. Tu n'as pas pris une décision de donner ta vie à Dieu. Mais ce matin, tu as écouté la parole. Tu as été touché par le Saint-Esprit ce matin. Tu sens dans ton cœur. Lorsque tu es touché par le Saint-Esprit, c'est pas quelque chose de miraculeux, mais tu sens quelque chose dans ton cœur que je dois donner ma vie à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui dit ça, qui fait ça. Et donc, si tu as senti dans ton cœur que tu dois redonner ta vie, peut-être que tu as déjà donné ta vie à Dieu, mais tu réalises que non, ma vie n'est pas ce que Dieu recherche de toi. Mais tu veux donner encore, redonner ta vie à Dieu ce matin. Si tu es là, est-ce que tu peux lever la main? On va prier avant de partir. Merci mon frère. Merci. Merci. Toi, si tu veux lever la main, on n'a pas beaucoup de temps. Tu veux lever la main? Lève la main. Lève la main. T'attends. Le Saint-Esprit t'a parlé ce matin. Ce matin. Dit que non, la vie là, c'est pas ça. Tu dois redonner ta vie à Dieu. Tu dois donner ta vie à Dieu. Tu as dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je veux aller au ciel. Je veux pas mourir et aller dans l'enfer. Je veux aller au ciel. Est-ce que tu peux lever la main? On va prier. On n'a pas beaucoup de temps ce matin. Merci, mon frère. Merci. Merci. Merci. Si tu as levé la main, est-ce que tu peux venir devant? Viens devant. Venez. Viens devant. Viens. Viens. Viens. Alléluia. Alléluia. On va prier une prière très simple. Et je veux que tu fasses cette prière, ta propre prière. Et le Saint-Esprit, le Seigneur va te donner une nouvelle vie, un nouveau cœur, une nouvelle âme. Alléluia. Et tu seras sauvé, tu seras né de nouveau. Et si le Seigneur vient aujourd'hui, tu vas aller au ciel avec tout le monde. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc, fermez les yeux tous et répétez après moi. Dis, Seigneur, je te remercie. Ce matin, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai besoin d'une nouvelle vie. Et je reconnais que tu as envoyé Jésus pour me sauver. Ce matin, je le confesse qu'il est mon sauveur. Et je l'invite dans ma vie. Qu'il prenne contrôle de ma vie. À partir de ce moment, je vais le servir le reste de ma vie. Pardonne-moi. Pardonne-moi tous mes péchés. Lave-moi avec le sang de Jésus. Tout ce que j'ai fait dans le passé, Seigneur, lave-les au nom de Jésus. Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie. Je vais te servir. Par ta grâce, je vais te servir. Seigneur, merci. Amen.